Chapitre 2. Comment naît le capital? En examinant attentivement la formule du capital, on constate qu'en dernière analyse, la question de la naissance du capital revient à ceci. Trouver une marchandise qui rapporte plus qu'elle n'a coûté. Trouver une marchandise qui, entre nos mains, puisse croître en valeur, de façon qu'en la vendant, nous recevions plus d'argent que nous en avions dépensé pour l'acheter. Il faut que ce soit, en un mot, une marchandise élastique qui, entre nos mains étirée quelque peu, puisse grandir le volume de sa valeur. Cette marchandise si particulière existe réellement, et elle s'appelle la puissance de travail ou force de travail. Voici l'homme aux écus, l'homme qui possède une accumulation de richesses de laquelle il veut faire naître un capital. Il se rend sur le marché en quête de force de travail. Suivons-le. Il se promène sur le marché et rencontre le travailleur venu là, lui aussi, pour y vendre la seule marchandise qu'il possède, sa force de travail. Mais le prolétaire ne vend pas cette force en bloc, il ne la vend pas tout entière, il la vend seulement en partie, pour un temps donné, pour un jour, pour une semaine, pour un mois, etc. S'il la vendait entièrement, alors de marchand, il deviendrait lui-même une marchandise, il ne serait plus le salarié, mais l'esclave de son patron. Le prix de la force de travail se calcule de la manière suivante. Qu'on prenne le prix des aliments, des vêtements, du logement et de tout ce qui est nécessaire au travailleur en une année pour maintenir constamment sa force de travail dans son état normal. Qu'on ajoute à cette première somme le prix de tout ce dont le travailleur a besoin en une année pour procréer, entretenir et élever, selon sa condition, ses enfants, qu'on divise le total par 365 nombres de jours de l'année, et on aura le chiffre de ce qui est nécessaire chaque jour pour maintenir la force de travail. On en aura le prix journalier qui est le salaire journalier du travailleur. Si on fait rentrer dans ce calcul aussi ce qui est nécessaire aux travailleurs pour procréer, entretenir et élever ses enfants, c'est parce qu'ils sont le prolongement de sa force de travail. Si le prolétaire vendait sa force de travail non partiellement mais en totalité, alors devenu lui-même une marchandise, c'est-à-dire esclave de son patron, et les enfants qu'il procréerait seraient aussi une marchandise, c'est-à-dire comme lui, les esclaves du patron. Mais le prolétaire n'aliénant qu'une fraction de sa force de travail, il a le droit de conserver tout le reste, qui se trouve partie en lui-même et partie en ses enfants. Par ce calcul, nous obtenons le prix exact de la force de travail. La loi des échanges, exposée dans le chapitre précédent, dit qu'une marchandise ne peut s'échanger que contre une autre de même valeur, c'est-à-dire qu'une marchandise ne peut s'échanger contre une autre si le travail nécessaire pour produire l'une n'est pas égal au travail nécessaire pour produire l'autre. Or, le travail nécessaire pour produire la force de travail est égal au travail qu'il faut pour produire les choses nécessaires au travailleur. Et par conséquent, la valeur des choses nécessaires au travailleur est égale à la valeur de sa force de travail. Si donc le travailleur a besoin de 3 francs par jour pour se procurer toutes les choses qui sont nécessaires à lui et aux siens, il est clair que 3 francs seront le prix de sa force de travail pour une journée. Maintenant, supposons que le salaire quotidien d'un ouvrier, calculé de la façon qui vient d'être dite, se monte à 3 francs. Supposons, en outre, qu'en 6 heures de travail, on puisse produire 15 grammes d'argent qui équivaut à 3 francs. Le possesseur d'argent a conclu marché avec l'ouvrier, s'engageant à lui payer sa force de travail à son juste prix de 3 francs par jour. C'est un bourgeois parfaitement honnête et même religieux, et il se garderait bien de frauder sur la marchandise de l'ouvrier. On ne pourra pas lui faire un reproche de ce que le salaire est payé à l'ouvrier à la fin de la journée ou de la semaine, c'est-à-dire après que celui-ci a déjà produit son travail, car c'est ce qui se pratique aussi pour d'autres marchandises dont la valeur se réalise dans l'usage, comme par exemple le loyer d'une maison ou d'une ferme, dont le montant peut se payer à l'expiration du terme. Les éléments du travail sont au nombre de 3. 1. La force de travail. 2. La matière première du travail. 3. Le moyen de travail. Notre possesseur d'argent, après avoir acheté sur le marché la force de travail, y a acheté aussi la matière première du travail, à savoir du coton. Le moyen de travail, c'est-à-dire l'atelier avec tous les outils et tout préparé. Et il ne lui reste plus qu'à mettre en route pour faire commencer tout de suite la besogne. Une certaine transformation semble s'être opérée dans la physionomie des personnes de notre drame. L'homme aux écus prend les devants et, en sa qualité de capitaliste, marche le premier. Le possesseur de la force de travail le suit par derrière, comme son travailleur à lui. Celui-là, le regard narquois, l'air important et affairé. Celui-ci timide, hésitant, rétif, comme quelqu'un qui a porté sa propre peau au marché et ne peut plus attendre qu'à une chose, être tanné. Nos deux personnages arrivent à l'atelier, où le patron s'empresse de mettre son ouvrier au travail, et comme il est filateur, il place entre les mains de l'ouvrier 10 kilogrammes de coton. Le travail se résume en une consommation des éléments qui le composent. Consommation de la force de travail, consommation de la matière, consommation des moyens de travail. La consommation des moyens de travail se calcule de la manière suivante. De la somme de la valeur de tous les moyens de travail, ateliers, outils, calorifères, charbon, etc., on soustrait la somme de la valeur de tous les matériaux encore utilisables qui pourront rester des moyens de travail mis hors d'usage par leur emploi. On divise le reste ainsi obtenu par le nombre de jours que peuvent durer les moyens de travail et on obtient ainsi le chiffre de la consommation quotidienne de ces moyens de travail. Notre ouvrier travaille pendant toute une journée de 12 heures. Au bout de cette journée, il a transformé les 10 kg de coton en 10 kg de filet qu'il remet à son patron et il quitte l'atelier pour retourner chez lui. Mais, chemin faisant, par cette vilaine habitude qu'ont les ouvriers de vouloir toujours faire les comptes derrière le dos de leur patron, il se met à chercher mentalement combien son patron pourra gagner sur ses 10 kg de filet. Je ne sais pas en vérité combien se payent les filets, se dit-il à lui-même, mais le compte est vite fait. J'ai vu le coton, quand il a été acheté au marché, à 3 francs le kilogramme. L'usure de tous les moyens de travail peut représenter une somme de 4 francs par jour. Donc nous avons, pour 10 kg de coton, 30 francs. Pour usure des moyens de travail, 4 francs. Pour mon salaire de la journée, 3 francs. Total, 37 francs. Les 10 kg de filet valent donc 37 francs. Or, sur le coton, le patron n'a certainement rien gagné, puisqu'il l'a payé son juste prix. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Il agit de la même façon avec moi, payant ma force de travail à son juste prix de 3 francs par jour. Donc il ne peut trouver son gain qu'en vendant ses filets plus qu'ils ne valent. Il faut absolument qu'il en soit ainsi. Sans cela, il aurait dépensé 37 francs pour recevoir juste 37 francs, sans compter le temps qu'il a perdu et la peine qu'il a prise. Voilà comment sont faits les patrons. Ils ont beau vouloir se donner l'air d'être honnêtes avec l'ouvrier dont ils achètent la matière première, ils ont toujours leurs points faibles, et nous autres, ouvriers qui connaissons les choses du métier, nous le découvrons tout de suite. Mais vendre une marchandise plus chère qu'elle ne vaut, c'est comme vendre à faux poids, ce qui est défendu par l'autorité. Donc si les ouvriers dévoilaient les fraudes des patrons, ceux-ci seraient forcés de fermer leurs ateliers et, pour faire produire les marchandises nécessaires aux besoins, peut-être ouvrirait-on de grands établissements gouvernementaux, ce qui serait beaucoup mieux. Tout en faisant ces beaux raisonnements, l'ouvrier est arrivé chez lui. Et là, après avoir soupé, il s'est mis au lit et s'est profondément endormi, rêvant à la disparition des patrons et à la création des ateliers nationaux. Dors, pauvre ami, dors en paix. Tandis qu'il te reste encore une espérance. Dors en paix, le jour de la désillusion ne tardera pas à venir. Tu apprendras bientôt comment ton patron peut vendre sa marchandise avec bénéfice, sans frauder personne. Lui-même te fera voir comment on devient capitaliste, et grand capitaliste, en restant parfaitement honnête. Alors ton sommeil ne sera plus tranquille. Tu verras dans tes nuits le capital comme un incube qui t'oppresse et menace de t'écraser. D'un œil épouvanté, tu le verras grossir comme un monstre à 100 tentacules qui chercheront avidement les portes de ton corps pour en sucer le sang. Et enfin, tu le verras prendre des proportions démesurées, gigantesques, noires et terribles d'aspect, avec des yeux et une gueule en feu. Ces tentacules se transformeront en d'énormes trompes aspirantes où tu verras disparaître des milliers d'êtres humains, hommes, femmes, enfants. Sur ton front alors coulera une sueur de mort, car ton tour, celui de ta femme et de tes enfants, seront tout près d'arriver. Et ton dernier gémissement sera couvert par le joyeux éclat de rire du monstre, heureux de son état, d'autant plus prospère qu'il est plus inhumain. En retournant à notre possesseur d'argent, ce bourgeois modèle d'ordre et d'exactitude a réglé tous ses comptes de la journée. Et voici comment il a établi le prix de ses 10 kg de filet. Pour 10 kg de coton à 3 francs le kilo, ça fait 30 francs. Pour usure des moyens de travail, ça fait 4 francs. Mais en ce qui concerne le troisième élément entré dans la formation de sa marchandise, le chiffre qu'il a inscrit n'est pas celui du salaire de l'ouvrier. Il sait très bien qu'il existe une grande différence entre le prix de la force de travail et le produit de cette force de travail. Le salaire d'une journée de travail ne représente pas du tout ce que l'ouvrier produit en une journée de travail. Notre possesseur d'argent sait très bien que 3 francs de salaire payé par lui-même représente l'entretien de son ouvrier pendant 24 heures, mais non pas ce que celui-ci a produit pendant les 12 heures qu'il a travaillé dans son atelier. Il sait tout ça précisément, comme l'agriculteur sait la différence qu'il y a entre ce que lui coûte l'entretien d'une vache et ce qu'elle lui rend en lait, fromage, beurre, etc. La force de travail a cette propriété singulière de rendre plus qu'elle ne coûte. Et c'est justement pour cela que le possesseur d'argent est allé l'acheter sur le marché. Et à cela, l'ouvrier n'a rien à répliquer. Il a reçu le juste prix de sa marchandise, la loi des échanges a été parfaitement observée, il n'a pas le droit de s'ingérer dans l'usage que son client fera de son sucre ou de son poivre. Nous avons proposé plus haut qu'en 6 heures de travail, on peut produire 15 grammes d'argent, équivalent à 3 francs. Donc si en 6 heures de travail, la force de travail produit une valeur de 3 francs, en 12, elle produira une de 6 francs. Voici donc le compte qui indique la valeur de 10 kg de filet. Pour 10 g de coton à 3 francs le kilo, 30 francs. Pour usure des moyens de travail, 4 francs. Pour 12 heures de force de travail, 6 francs. Total 40 francs. L'homme aux écus a par conséquent dépensé 37 francs et a obtenu une marchandise qui vaut 40 francs. Il a gagné ainsi 3 francs. Son argent a fait des petits. Le problème est résolu. Le capital est né.